Matinée, ça tombe bien, c'est que du fun, nous accompagne jusqu'à 10h sur Fun Radio. Bonjour, il est 7h, nous sommes en direct, c'est que du fun jusqu'à 10h pour m'accompagner. Il y a Kaufman. Salut Kaufman, ça va? Bah ça va et toi? Oui, alors on a la voix, t'as la voix du réveil. Vas-y, parle un peu. En même temps, il est 7h, hein, je ne me lève pas à 4h du matin, je me lève à 5h du matin pour venir ici. En plus, c'est la deuxième. Ouais, c'est la deuxième, effectivement. C'est que du fun revient, en effet, chaque samedi, chaque dimanche, 7h, 10h, un nouveau rendez-vous sur Fun Radio, un morning belge, comme vous les aimez, à base d'informations, à base de culture, puisqu'aujourd'hui, vous aurez encore droit à du jeu vidéo, à du web, ouais, à des infos sportives aussi, à des jeux, des cadeaux, des goodies. Bref, on va vous régaler jusqu'à 10h. On va vous accompagner bah, durant votre réveil. Oui, c'est parce ça. Parce qu'il y en a qui ont la chance encore d'être au lit. Nous, on est plutôt debout. Et jusqu'à 10h, eh bien, on va vous accompagner. Effectivement, réveil, petit déjeuner. T'as pris ton petit déjeuner, Kaufman? C'est bon? Non, mais pour l'instant, ça va. J'ai pas encore trop faim. Tu sais, quand j'ai faim, mon ventre fait du bruit. On va l'entendre, c'est bien ça. Donc, a priori, on devrait l'entendre. Dans quelques minutes, le Saral, Salove. Moi, j'ai levé sur quelque chose qui s'est passé en Argentine pour décompresser les gens. Eh bien, une société a inventé quelque chose. Et tu vas voir, c'est assez spectaculaire. D'accord. Toi, tu as râlé, Kaufman. Ah oui, j'ai râlé parce qu'il y a, on appelle les ambulanciers pour tout et n'importe quoi. Et je pense qu'en la matière, j'ai trouvé la perle. Pour le Sundance Floor, ça se passera avec Mo. Après, il y aura Milo, Omai, etc., etc. Mais là, il est 7h02 et c'est le journal des bonnes nouvelles. Le journal des bonnes nouvelles. Bonjour à tous. Alors que bon nombre d'enfants ont repris le chemin de l'école et que vous allez passer ce week-end à faire les achats scolaires de la rentrée, 10 élèves de 6 à 16 ans auront l'opportunité de découvrir dès ce lundi un nouveau type d'enseignement en Belgique. À Genval, dans le Brabant Wallon, une école pas comme les autres va ouvrir ses portes. Créée sur un modèle américain, elle aura une vraie particularité puisqu'il n'y aura pas de cours, pas d'examen et pas le moindre professeur. Les élèves vont prendre en charge eux-mêmes leur apprentissage. De l'œil attentif de quelques accompagnateurs adultes, chacun pourra travailler à son rythme et à sa manière. Cette démarche pionnière en Wallonie n'est par contre pas reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Faute de subvention, elle requiert donc un investissement important de la part des parents à raison de 25 euros par jour, soit environ 4500 euros par an. Il n'y a pas d'âge pour se disputer pour des bêtises. Une femme d'une soixantaine d'années s'est présentée il y a quelques jours au commissariat de Pouilly-en-Valais. Elle a expliqué aux policiers français que son conjoint l'avait abandonnée au bord de la route parce qu'elle avait osé critiquer sa conduite. Le couple rejoignait le massif des Alpilles en Porsche 911 Carrera. L'homme a déposé sa partenaire au bord de la RN 102 sans argent et sans téléphone. La malheureuse a alors rejoint le commissariat en stop. Il a fallu s'armer de patience et appeler la famille de l'énervé du volant à Paris pour convaincre ce dernier de faire demi-tour. Il a fini par venir chercher sa conjointe, qui lui a visiblement pardonné puisqu'ils ont repris ensemble la route pour le sud de la France. Le jeune panda né début juin dans le parc animalier Peridaisa a fait le buzz en début de semaine, celui que les soigneurs surnomment affectueusement Baby P, en attendant qu'un nom officiel lui soit donné, a en effet fait ses premiers pas. La vidéo de cette grande étape a été postée sur la page Facebook du parc. On y voit le petit animal pousser sur ses pattes pour tenter de se déplacer. Pas simple pour la jolie boule de poil de trouver le mode d'emploi, mais c'est bien parti. Comme chaque publication, les visiteurs du parc et les fans de la famille panda ont allègrement aimé, commenté et partagé cette vidéo, déjà vue plus de 200 000 fois dès les deux premières heures de diffusion. Le bébé panda aura bientôt 100 jours, cap symbolique à partir duquel son nom définitif peut être choisi selon la tradition chinoise afin d'assurer la viabilité de l'animal. Le parc a lancé à cet effet un sondage via sa page Facebook. 5 noms sont proposés aux internautes. Tianbao, trésor du ciel, Xingao, bonne étoile, Uxing, étoile d'Europe, Wally, Chine et Belgique, ou encore Antoine, paix unie. Visiteurs et fans peuvent faire leur choix parmi ces propositions. L'équipe panda du parc choisira ensuite le nom définitif parmi les 3 noms les plus populaires. Leur choix sera annoncé d'ici quelques semaines. On termine ce journal des bonnes nouvelles par un point sur la météo prévue ce week-end. Après une belle semaine, la pluie devrait faire son retour, principalement ce dimanche. Les températures resteront malgré tout agréables et la plupart du temps au-dessus des 20 degrés. Belle journée avec nous et tout de suite, je vous laisse avec C'est que du fun jusqu'à 10h. Le journal des bonnes nouvelles. Won't you stay, at least until the sun goes down? When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Song. That's what I hear when you're by my side. Bon réveil avec le son de Milo. C'est l'heure de râler et de lover, on commence par mon love. En Argentine, l'expression tocarse las bolas, ça veut dire quoi? C'est ce que ça veut dire ou pas, Kaufman? Tocar es las bolas. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire changer... Non, ça veut dire toucher les boules, oui. Et bien, ça c'est peut bien être, ça, ça c'est peut pas être, mal. Ça peut être défini par le fait de ne rien faire pour décompresser, ça veut dire ça en fait. Ah, ça veut dire c'est de la coulée douce en gros. Et bien, l'agence Imaginarte a donc eu l'idée de créer les Nice Balls, deux fausses testicules en caoutchouc conçues pour aider les demoiselles à se détendre. Pour ce faire, t'as juste à les coller, ah ouais, à les coller en dessous de la table. Tu les fixes en dessous de la table sur ton bureau et t'as juste à les presser pour te décompresser. Ah toi. Oui, c'est la balle anti-stress d'Argentine, quoi. C'est ça, c'est la balle anti-stress façon Argentine. Toi, Kaufman, t'as râlé. Hein. Bah oui, vous savez que les services d'urgence, on peut les appeler, sont des gens qui à n'importe quelle heure vont intervenir. Bien sûr. Si vous en avez le besoin, en Belgique, c'est le 112 via votre mobile, en espérant évidemment que vous n'ayez pas à le faire aujourd'hui. Et une femme de 32 ans, elle s'est crue tout permis. Elle s'est fait aussi très sèchement rabrouer, très violemment crier dessus, ouais, par les services d'urgence britanniques parce qu'elle a réclamé une ambulance pour la raccompagner chez elle parce que ses pieds la faisaient souffrir après une intense séance de shopping. Ah oui, ok, donc elle a fait beaucoup de shopping, elle a marché énormément la dame. Elle en pouvait. Puis elle a appelé les ambulances, ramenez-moi chez moi, taxi. Alors ce qui est vrai, c'est qu'elle savait plus marcher, elle était assise, etc. Elle a rien trouvé de mieux que d'appeler l'ambulance pour se raccompagner, à croire que voilà, les ambulances aujourd'hui on sont réduits à ça. Ça se passait en Grande-Bretagne et moi évidemment ça m'a fait un peu voire même beaucoup râler puisque c'est pas beaucoup de respect pour les services d'urgence. C'est pas un taxi, hein. Ouais, enfin les services d'urgence d'un autre côté sont sur le pied, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais bon, mais pas le même. Dans quelques minutes on parlera du web, destination web, Kaufman. Ah oui, on parlera de toute l'actualité qui a fait le web et notamment de Google qui enterre un projet. Et là voici Milo, Rolling in the Moon. Where did the summer go? I found it in Monaco, dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be summertime, take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me, have dinner in Sicily, be who you wanna be, right where you wanna be.

chaque samedi et chaque dimanche entre 7h et 10h, on fait le tour du web avec Kaufman, Destination Web. Oui, Destination Web, le nouveau rendez-vous pour tous les geeks et les autres aussi, hein, ceux qui ont envie d'apprendre tout en se reposant, en se réveillant. Vous êtes dans votre lit, on va vous cultiver, on va vous donner la première Destination Web de ce dimanche 4 septembre, puisqu'on va vous parler d'une entreprise, en l'occurrence Google, Google leader de la recherche au niveau mondial, et Google n'a pas l'habitude d'enterrer ses projets, et là pourtant c'est le cas, puisque Google enterre son projet avec le nom de code ARA. ARA, voilà une information qui va décevoir un grand nombre de personnes qui espéraient voir arriver bientôt le fameux téléphone modulaire de Google. Vous l'avez peut-être vu sur la toile ou pas, c'est un téléphone qu'on pouvait un petit peu arranger comme on voulait, un petit peu un espèce de Rubik's Cube, mais en téléphone. Ah, il était flexible. Et pas forcément flexible, mais il était composé de différents blocs. Ok. Et il était justement connu sous le nom de projet ARA, et l'entreprise a annoncé avoir jeté l'éponge. C'est rare quand Google jette l'éponge. Et c'est d'autant plus qu'ils ont lancé des forfaits mobiles dans plusieurs pays dans le monde, mais qu'ils ne suivront pas avec ce GSM modulable. Ils ont expliqué pourquoi ou pas ? Et ils ont expliqué tout simplement qu'ils jetaient l'éponge. Généralement, quand tu jettes l'éponge, c'est que c'est un vœu de faiblesse, et Google n'est pas faible. Ok, très bien. Pour la suite de l'émission, on fera les pronostics sportifs sur le football. Kaufman, t'es chaud ? T'es prêt à parier ? Moi, j'ai sorti mon argent, j'ai sorti les pièces, et je suis prêt à parier sur tout ce que tu vas me demander. Hein. Parce que la semaine prochaine, ça commence, les qualifs pour la Coupe du Monde, il y a la Belgique qui joue. Mardi ? Ouais, ce sera mardi, effectivement, la Belgique qui affronte Chypre, donc on pariera sur ce match. Ouais, facile, ça. Ouais, attends. Ah, c'est pas gagné. On l'a vu ce week-end, il y a eu quelques jours contre l'Espagne. Hein. L'Espagne n'est pas Chypre et Chypre n'est pas l'Espagne, mon ami. Effectivement, tout à l'heure, on parlera également de la télévision avec Danse avec les Stars. Il y a également le topito du jour. Il y aura le Fun Game, Kaufman. Oui, on parlera de Pokémon Go et d'une nouveauté qui va bientôt arriver dans le jeu. Et le Sundance Floor avec Calvin Harris et Rihanna sur Fun Radio. Fun Radio présente la Lotto City Parade 2016, le plus grand événement 100% gratuit du Benelux, samedi 10 septembre sur le plateau du Hesel à partir de 14h. Opening Festival, Parade, Closing Festival, deux podiums, 20 chars et plus de 100 DJs. La Lotto City Parade, samedi 10 septembre sur le plateau du Hesel, avec Plug RTL. Info, cityparade.be. Fun Radio. L'impression d'une vie dans le noir. L'ennui éteint tous nos espoirs. Inconscient, une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire. Quelques heures s'en aller, comme un avion qui passe dans ce monde qui nous laisse. Sommes-nous éveillés?

retenu le son Dance Floor avec le son de Flickgen. C'est l'heure de parier, Kaufman. T'es prêt à parier? C'est bon? Écoute, j'ai sorti l'argent, la petite monnaie est là, mais je tiens à dire qu'en fin de saison, on fera les comptes. Bien sûr, on fera les comptes. D'accord. Hier, déjà, t'as perdu hier. On avait parié sur le tennis. Ouais. T'avais parié sur une victoire de Murray, ça c'est bon. T'avais parié sur une victoire, par contre, de David Ferrer. Ouais. Et c'est Del Potro qui a gagné. Et le troisième match? Et le troisième, c'était Wawrinka. Et c'est Wawrinka qui a gagné, t'as eu raison. Bah, donc ça va. 2 sur 3. Je sens que je repars avec ta voiture en fin de saison. Et là, on va parler de football un petit peu. Qualification de Coupe du Monde la semaine prochaine. Mardi prochain. On va commencer par la Belgique. Oui. Chypre-Belgique. La victoire de Chypre est cotée à 10 contre 1, c'est-à-dire que si tu mises 1 euro, tu gagnes 10 euros. Le match nul 4,75 et la Belgique 1,3. Ah, la Belgique. La Belgique, forcément, 1,3. Tu penses qu'ils vont se refaire après la défaite contre l'Espagne? Ouais, bien qu'un article a été écrit hier ou aujourd'hui même, faisant état de certaines distensions au sein des Diables Rouges. On verra ça sur le terrain ce mardi, mais en tous les cas, pour moi, c'est victoire de la Belgique. Victoire de la Belgique. Deuxième match, Biélorussie-France. La victoire de la Biélorussie à 9, côté à 9. Match nul 4,25. Victoire de la France 1,38. La France. Oui. France-Belgique. Ok. Troisième match et dernier match, Suède-Pays-Bas. Serré comme match. Ouais, ça c'est plus difficile. Ouais, effectivement. Victoire de la Suède 3,3. Match nul 3,25. Victoire des Pays-Bas 2,2. Écoute, les Pays-Bas n'étaient pas à la dernière. Ouais, Euro. Donc à mon avis, ils sont très revanchards et vont rien laisser passer. Donc à mon avis, je mise sur les Pays-Bas. Donc le trio pour toi, victoire des Pays-Bas, de la France et de la Belgique. Ouais, c'est un peu du chauvinisme, mais ouais. Ok, on vérifie la semaine prochaine. Donc c'est mardi les matchs, on vérifiera tout ça. Fais gaffe, Kaufman, attention à toi. Hein. Écoute, je paierai mes dettes, mais je repartirai quand même avec ta voiture. Dans quelques minutes, on va parler de la télévision. On parlera de Danse avec les Stars. Il y aura aussi le Fun Game avec Kaufman. Oui, on parlera de Pokémon Go. Et le son de Flickgen sur Fun Radio. Whispers about me. It hurts if I let all the poison in, if I let them win. Close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up when you're mad. Bitches, lift them drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're right, put my fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. réveille avec Dua Lipa sur Fun Radio. Et vous pouvez nous joindre sur la page Facebook de l'émission Week of Man. À taper sur Facebook, créer une page, hop, c'est que du fun, et c'est bon, c'est créé. Ah oui, vous tapez c'est que du fun sur Facebook, vous nous laissez vos messages, vos coups de gueule, vos coups de cœur, les petits messages que vous aimeriez qu'on diffuse à l'antenne, et pour que ça soit plus instantané, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer un petit message par SMS au 3044 pour 50 cents le message. Vous nous dites, comment ça va ce matin, dimanche matin, vous réveillez lentement mais sûrement, dites-nous ce que vous allez déjeuner, faites-moi envie, je commence à avoir faim, donc donnez-moi des idées pour tout à l'heure, 10h. Dès que ça se termine, je vais aller passer à la boulangerie. Donc allez-y, 3044 pour 50 cents le message. Et vous nous dites un petit peu ce qu'il en est de votre dimanche, si vous vous réveillez, si vous aimez ce que vous entendez. On est en période de rodage, la deuxième. Soyez indulgents, messieurs, mesdames, approchez. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, mais c'est qui ces deux-là qui parlent là depuis hier? Et bien, je m'appelle David, là, il y a Kaufman en face de moi. Arrête de mentir, c'est Pipo et Mario. C'est Pipo et Mario, on est ensemble le samedi, le dimanche. 7h, 10h, c'est que du fun. Pour la suite de l'émission, on parlera de la télévision avec Danse avec les stars qui a dévoilé son casting, en tout cas la moitié de son casting. Il y a pas mal de surprises, je vous dévoile ça dans quelques minutes. Il y aura aussi le Fun Game avec Kaufman. On parlera de Pokémon Go. Effectivement. Et il y a le son de Dua Lipa qui arrive. Et juste après, il y a Kungs. Et quand il y a Kungs, ça veut peut-être dire qu'il y a un gros cadeau à la clé, hein, Kaufman. Effectivement, on est reparti ces saisons avec le double Fun. Et si vous écoutez Fun Radio et que vous entendez Major Lazer et Kungs à la suite, eh bien, c'est le double Fun sur Fun Radio. Okay. Que faut-il faire à ce moment-là? Envoyez tout simplement Walibi, WALIBI par SMS au 6322 pour 1€ le message, et vous gagnerez vos Golden Pass pour profiter autant que vous le voulez de tous les parcs d'attractions Walibi pendant toute une année sans discontinuer. Vous envoyez Walibi au 6322 pour autant que vous entendiez Major Lazer et Kungs à la suite. C'est le double Fun sur Fun Radio. Soyez prêts, soyez attentifs. Là, il y a Dua Lipa et juste après, il y a Kungs. Kungs peut être suivi d'un Major Lazer. Soyez bien attentifs, ça peut arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. He calls me the devil, I make him wanna sin. Every time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real, all the real estate gets. He probably still adore me, with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. The darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Man, the answer to your prayers. You're my manna from heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make a deal, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet, no. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. The darkest side of me that makes you feel so numb. Cause I'm hot like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm giving you the pleasure, heaven. And I'll give it to you hotter than hell. Oh, you're right there. You make me. vous entendez Major Lazer et Kungs à la suite, double fin. Envoyez Walibi par SMS au 6322. Un nouveau message. Et gagnez vos Golden Pass pour vous éclater toute une année à Walibi grâce à Fun Radio. Le son Dance Fest. Dance Floor continue avec des euros. Maintenant, c'est que de la télé, non, c'est que du fun sur Fun Radio entre 7h et 10h. Et Danse avec les Stars a précisé un petit peu plus son casting, Kaufman. Ah. Eh oui, on a des nouveaux noms pour le casting de Danse avec les Stars. Vas-y, fais péter. Alors, le chanteur Florent Motte, est-ce que tu connais? Oui. Il a fait la comédie musicale Mozart, l'opéra rock. Exactement. On aura aussi la chanteuse Camille Lou. Ah, j'aime bien. T'aimes bien aussi, tu connais aussi? Ouais. Ah, très bien. Kamel le Magicien. Ouais, oui, je connais, il était sur Canal avant. Il était sur Canal, sur BTV également. Effectivement. Il y aura également Karine Ferry, l'animatrice de TF1. D'accord, c'est dans The Voice, elle, non? Elle est dans The Voice, oui, effectivement. Sylvie Tellier, la présidente des Miss France. Ouais, elle s'est blessée pendant l'été. Ouais, elle s'est blessée. Mais elle va quand même le faire. L'animateur belge Olivier Mine sera dans la partie, ouais. Ah bon? Bah oui, il sera là, le belge. Ah, le petit belge sera là. Il y aura Valérie Damido également. Ah, elle va refaire le plateau, c'est bien. Elle va maroufler tout le plateau. Du côté de jury, il n'y a pas de changement. Fovoto, Marie-Claude Pietragala, Chris Marquez et Jean-Marc Généreux, hein. J'achète! C'est exactement ça. Dans quelques minutes et pour la suite de l'émission, il y aura le topido du jour, le Sarah Salov, il y aura aussi le Fun Game Kaufman. Oui, on commencera en ce dimanche par vous parler de Pokémon Go. Il y a de la nouveauté sous le sapin. On est venu aussi avec des cadeaux. Avant 10h, on vous distribue goodies et jeux vidéo. On va vous régaler. Et donc voici des oraux avec un titre espagnol. Bailar, espagnol. Fun Radio. Avec l'accent, bailar. Bailar. Bailar. C'est bien, Kaufman, tu progresses. Allez, c'est que du fun jusqu'à 10h sur Fun Radio. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito.

Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa lui pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. C'est pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne, je préfère ne rien voir comme Amadou et Mariam. Je t'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée, chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé, chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser, chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc. Je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi. Fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. Bon réveil les amis avec le son de Fun Radio Lost Frequencies. Dans quelques minutes le Sarah Salove, la Kaufman il est chaud, il est prêt, c'est le Fun Game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. On y a joué tout l'été, hein. Vous n'avez pas sans savoir, sauf si vous avez dormi pendant quelques mois, que Pokémon Go est sorti, qui ouais. C'est un jeu sur mobile consistant à attraper le plus de Pokémon possible. Et là, Pokémon Go a annoncé une nouveauté plutôt intéressante, en tout cas son développeur en a fait part. Une nouvelle fonctionnalité en fait majeure qui fera son apparition dans Pokémon Go, dans la prochaine mise à jour. De quoi s'agit-il? C'est le Buddy System, un système de compagnons. Vous l'aurez compris si vous parlez un petit peu anglais. Il s'agit pour les joueurs en fait de choisir l'un de leurs Pokémon préférés afin qu'ils soient affichés dès qu'on ouvre le jeu, mais qu'ils les suivent aussi dans toutes leurs aventures. Autrement dit, ça va devenir ton compagnon de route dans la chasse aux autres Pokémon. Un peu comme dans le vrai jeu en fait. Exactement. C'est Sacha qui est suivi par Pikachu, non c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Donc là, ils vont mettre ça dans le nouveau jeu. La mise à jour va comprendre d'autres choses ou pas? Pour l'instant, c'est pas encore, mais c'est vrai que tout le système de PVP, c'est-à-dire quand les joueurs vont s'affronter entre eux, plus le système de géolocalisation, nouveau radar, plus des systèmes de championnat dont on vous parlait cet été. Ouais. Tout ça devrait arriver au fur et à mesure, mais ils ont intérêt à se dépêcher s'ils veulent garder leur public. Ouais, parce qu'ils ont perdu pas mal de joueurs, hein, j'ai eu gros voir ça. Ouais, tout à fait. Donc ils ont intérêt à se dépêcher pour vraiment battre le fer tant qu'il est chaud. Dans quelques minutes, le Saral Salove Kaufman, tu vas lover. Ah oui, je vais faire un coup de cœur à un architecte néerlandais qui a trouvé un système qui va nous rendre heureux parce qu'il n'y aura plus de dispute. Et moi je suis en colère contre Samsung. Eh oui, contre Samsung. Les téléphones. Contre Samsung, les téléphones Samsung. Allez, là il est 8h. Bon réveil si vous venez de vous réveiller. C'est le journal des bonnes nouvelles sur Fun Radio. Le journal des bonnes nouvelles. nouvelle. Bonjour à tous. Le train vers la côte a eu la cote cet été. Plus de 2 millions de voyageurs ont pris le train vers la côte belge au cours des vacances d'été. Cela fait 100 000 voyageurs en plus que l'an dernier. Plusieurs records de fréquentation ont d'ailleurs été brisés. C'est la journée de dimanche dernier qui tient la palme de l'affluence avec 62 000 voyageurs de et vers la mer du Nord. La destination la plus populaire de cet été a été la gare d'Ostende où plus d'1,2 million de voyageurs ont été accueillis. 200 trains supplémentaires ont été mis en service avec le beau temps, soit plus de 140 000 places assises supplémentaires. En Australie, un plongeur n'a eu besoin que d'une caresse pour calmer un grand requin blanc qui l'attaquait. Une photo a immortalisé cet instant incroyable. On y voit le plongeur, la tête hors de l'eau à quelques centimètres des dents acérées du requin. Le plongeur a calmement repoussé l'attaque du requin d'une caresse sur le nez. Un geste qui, lorsqu'il est exécuté correctement, paralyse immédiatement le squal. En effet, le nez des requins est une zone extrêmement sensible, truffée de terminaisons nerveuses. Un simple effleurement de cette zone peut plonger l'animal dans un état de transe qui aboutit sur une immobilité tonique. Certains internautes mettent en doute le courage du plongeur, affirmant que le requin était probablement déjà mort au moment du cliché. Avouez que c'est quand même un peu troublant. De tous les étudiants d'Europe, les Brabançons font partie des meilleurs. Les derniers chiffres publiés par Eurostat font du Brabant wallon la deuxième province la plus éduquée d'Europe après Londres. Plus de 5 Brabançons sur 10 possèdent un diplôme de l'enseignement supérieur. La première place est occupée par l'ouest de Londres avec près de 7 élèves en moyenne sur 10. La moyenne pour le pays se situe quant à elle à un peu plus de 37%. Le podium de nos provinces est quant à lui complété par le Brabant flamand et par la région de Bruxelles-Capitale. Le Hainaut occupe aussi la dernière place au niveau belge et la seule province dont le pourcentage a régressé entre 2014 et 2015. Cela s'explique notamment par l'offre moins importante en matière d'enseignement supérieur dans le Hainaut. La première place dans le classement du Brabant wallon est quant à elle liée en partie à l'importante concentration d'entreprises de pointe installées dans la province, comme par exemple GSK à Wavre, Éric Sansard ou encore UCB à Braine-l'Alleud. De plus, la proximité avec Bruxelles et le côté verdoyant du Brabant wallon attire beaucoup de cadres travaillant dans la capitale et prêts à mettre le prix dans des terrains ou des maisons parmi les plus chers de Belgique. Les occasions de se réjouir sont rares en Italie depuis le terrible tremblement de terre qui a frappé le pays le 24 août dernier. Daniela, rescapée du séisme à Amatrice, a néanmoins reçu une bonne nouvelle. 5 jours après la catastrophe, les pompiers ont retrouvé son chaton vivant. Gigia, c'est son nom, a été prise en charge par la SPA italienne qui l'a réhydraté puis rendu à sa propriétaire. Au total, 21 animaux ont été secourus, dont des chats, des chiens, des vaches et même une tortue. On termine ce journal des bonnes nouvelles par un point sur la météo prévue ce week-end. Après une belle semaine, la pluie devrait faire son retour principalement ce dimanche. Les températures resteront agréables et la plupart du temps au-dessus des 20 degrés. Belle journée avec nous sur Fun Radio. Et tout de suite, je vous laisse avec C'est que du fun jusqu'à 10h. Le journal des bonnes nouvelles. I follow. Mountain high and river low, I follow. Le son Dance Floor continue sur Fun Radio avec Maître Gims. Et 8h05, c'est l'heure de râler et de lover. On commence par Kaufman qui love. Ah oui, je love parce que franchement, il y a des situations où on est parfois pris au dépourvu. C'est notamment le cas quand on divorce. Et la délicate question se pose à peu près toujours. Qui va garder la maison? Eh bien, cette question ne devrait plus se poser à l'avenir grâce au projet d'un architecte néerlandais, puisqu'il l'homme a mis au point une maison divisible en deux blocs en cas de séparation des habitants. L'architecte explique que les deux parties s'emboîtent et qu'elles peuvent, en cas de besoin, être séparées sans aucun outil. C'est-à-dire que t'as même pas besoin de commencer à faire des gros travaux. C'est une maison sur mesure qui te permet eh bien, de repartir avec ta moitié en cas de problème. Ah, c'est bien ça, bien joué la part de l'architecte. Pays-Bas, c'est aux Pays-Bas ça? Ouais, c'est aux Pays-Bas. Ok, bah ils sont forts là-bas. Ils sont très prévoyants, moi, je veux dire. Fallait l'imaginer, le truc pour les divorces, le mec il va déjà au divorce. Et toi, tu râles pourquoi? Moi, je râle. Samsung vient d'annoncer le rappel de tous les Galaxy Note 7 vendus dans le monde. En plus d'un verre qui se raye trop facilement à quelques lenteurs logicielles, un Galaxy Note 7 a pris feu, puis explosé. Ce qui pousse Samsung à prendre une grave décision. Tous les téléphones Galaxy Note 7 sont donc rappelés. Est-ce normal de faire des téléphones quand même à 500-600 euros? Et après, il y a quand même des défauts. Lenteur logicielle, les vitres qui se pètent, ça explose dans la poche. Je trouve ça, voilà, à 500 euros, on devrait avoir un produit de qualité, non, Kaufman? On devrait avoir un produit de qualité. Maintenant, les problèmes peuvent survenir, surtout lorsqu'on parle de haute technologie. Mais c'est vrai que ils doivent le tester avant quand même. À cette échelle-là, on peut se poser des questions. Bah ouais. Et dans quelques minutes, on a quand même des cadeaux à vous faire gagner, hein. Oui, goodies et jeux vidéo sont au programme. Et croyez-moi, celle-ci fonctionne très, très, très, très bien. Oui. On va vous régaler. C'est une nouvelle saison de C'est que du fun. Et on est là, dans la place, avec Maître Gim. C'est ma beauté sur Fun Radio. Encore une fois, c'est que du fun. Je ne t'ai pas donné tout mon amour. Je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Oui, ton retour est une délire. Une évidence, je sais ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent tu peux compter sur moi, tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant. Cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité. Je changerai la donne. T'as tout gâché. Dans les rues elle t'abandonne. Et dans la rue elle t'abandonne. Fun Radio. Fun Radio. We go hide away in daylight. Allez, on prend son café sur Fun Radio avec le son belge Dimitri Vegas, Like Mike. C'est le moment de gagner plein de cadeaux, Kaufman. On a plein de cadeaux en réserve. Ah oui, bah pour commencer cette saison, vous pensez bien qu'on a mis les petits plats dans les grands, qu'on a sorti les couverts en argent. Autrement dit, plus simplement dit, on a ramené les goodies jeux vidéo. Oui, c'est ça. Vidéo. On va vous régaler d'ici 10h. Et pour ce faire, on va donc jouer au combien ça coûte. Le principe est simple. Notre ami David va nous donner un prix. Oui. À vous de deviner quel objet se cache derrière ce prix. Dès que vous avez une petite idée, vous l'envoyez au 6322 pour 1€ par message. Vous écrivez donc l'idée, on vous répond si oui ou non vous avez la bonne piste, la bonne idée. Et moi, en attendant, pour vous aider, ce que je vais faire, c'est vous poser des questions. C'est lui poser des questions. C'est me poser des questions, effectivement. Le prix du jour, 349€. À quoi correspond ce prix 349€? Si vous avez une idée, ça se passe au 6322, 1€ par message. Kaufman, des questions. Alors, est-ce que c'est un objet du quotidien? Objet du quotidien, oui. D'accord. Est-ce que c'est professionnel ou personnel? Personnel. D'accord. Est-ce que cet objet se trouve dans une pièce particulière de la maison? Oui. D'accord. Est-ce que les grands comme les petits s'en servent? Les grands. Les grands. Est-ce que c'est un objet qui se trouve dans la chambre à coucher? Non. Est-ce que c'est un objet qui se trouve dans le salon? Dans le salon non plus. Est-ce que c'est un objet qui se trouve dans la cuisine? Dans la cuisine, oui. Dans la cuisine, oui. Ok. Est-ce que ça sert à faire à manger alors? Ça ne sert pas à faire à manger. Si vous avez une idée, vous l'envoyez au 6322. On a plein de cadeaux à vous faire gagner. Kaufman, en plus, il est venu aujourd'hui. Il était 6h30. Il est arrivé. Il m'a dit tiens, deux gros sacs avec plein de cadeaux, jeux vidéo, goodies, collector. Vraiment, on a plein de cadeaux à vous offrir. Vous envoyez votre réponse au 6322. Kaufman, une question? Oui, donc on récapitule. Oui. C'est un objet du quotidien qui sert plutôt aux grands, qui se situe aussi dans une pièce particulière de votre maison, à savoir la cuisine. Ouais. Si vous avez une idée, vous l'envoyez au 6322 pour 1€ par message. On nous propose déjà un robot aspirateur. Non, ce n'est pas la bonne réponse. D'accord. Est-ce que donc ça sert pas à faire à manger? Ça ne sert pas à faire à manger, non. D'accord. Est-ce que ça sert si ça sert pas à faire à manger dans une cuisine, ça peut servir à réfrigérer? Non plus, non. On m'a envoyé également un frigo au 6322. Non, c'est pas la bonne réponse. Tu pensais au frigo, hein? Exactement. Kaufman. Non, c'est pas le frigo. Le congélateur, on m'envoie au 6322. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Allez-y, 6322 pour envoyer la bonne réponse, 1€ par message. On a vraiment plein de cadeaux à vous offrir. C'est le début en plus de la saison. Donc faut vraiment en profiter parce que Kaufman, il a tout ramené là pour le début de saison. C'est sympa. Donc allez-y. Tu viens de te lever dimanche matin, t'entends ça, tu dis ok, je vais participer au 6322 pour 1€ par message. Est-ce que ça, c'est un objet qui sert à faire le ménage? À faire le ménage? En quelque sorte, mais ça sert pas vraiment à faire le ménage au sens propre du terme. D'accord. Sert à laver. Ah! Est-ce qu'on met de la poudre dedans? On met de la poudre? Oui, on peut mettre de la poudre. Du liquide? Ouais, du liquide, ouais. D'accord, est-ce que nos casseroles en ressortent plus brillantes, plus pimpantes? On dirait une pub quand il fait ça. D'accord. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Donc, il existe plusieurs modes. Oui, il existe plusieurs modes, un mode économique, je crois. Après, je connais pas tous les modes, hein. Je m'en sers pas tous les jours pour t'avouer tout ça. Tu penses avoir trouvé ou pas, Kaufman? Écoute, je suis sur la piste. Ok. Ça sert spécifiquement à la vaisselle. Ça sert à la vaisselle, effectivement. C'est-à-dire qu'on met sa vaisselle dedans, si tu veux tout savoir. D'accord. Okay. On me dit une éponge au 6322. Non, c'est pas la bonne réponse. On me dit également un sèche-linge. Non, du tout. Machine à laver, non plus. Allez-y, si vous avez la bonne réponse, ça se passe au 6322. Kaufman, enfin, tu penses avoir trouvé ou pas, toi? Moi, plus simplement dit, je pourrais dire que c'est la machine à laver de la vaisselle, en fait. Oui, c'est la machine à laver de la vaisselle. En même temps, t'as quasiment donné la réponse dans le truc, là. Effectivement, on met sa vaisselle dedans. Après avoir mangé, hop, on met la petite pastille. On met le mode économique. Marche, on attend 2 heures. On ressort tout. C'est prêt. Je cherche l'objet, donc allez-y. Ça se passe au 6322. Je prends un gagnant juste après Dimitri Vegas et Like Mike. Ça vous laisse 3-4 minutes pour envoyer la bonne réponse au 6322. On me dit encore un congélateur, un frigo. Non, c'est pas ça, hein. Donc allez-y, 6322 pour envoyer la bonne réponse. C'est 1€ par message de gagnant juste après Dimitri Vegas et Like Mike sur Fun Radio. Salut, c'est Maître Gims sur Fun Radio. Fun Radio présente Maître Gims en concert. Samedi 10 décembre, Maître Gims va enflammer la scène de Forêt Nationale à Bruxelles. Le leader de la section d'assaut qui a déjà écoulé plus de 2 millions de disques revient en Belgique pour une date unique.

Si vous êtes en voiture, faites attention sur la route, la suite du son Dance Floor avec Kid Noise. Et on va enfin connaître la réponse au jeu du combien ça coûte. Et pour ça, j'accueille Marie-Paul qui est avec nous. Salut Marie-Paul. Bonjour. Salut Marie-Paul. Ça va bien Marie-Paul? Ça va très bien, merci. En pleine forme le dimanche matin, là il est 8h28, on est en direct. Est-ce que tu es en pleine grasse matinée Marie-Paul? Oh non, debout depuis 7h ce matin. Ah bon, 7h. T'avais quoi à faire si c'est pas indiscret? Parce que 7h c'est tôt pour un dimanche. Eh bien j'ai décidé avec mon fiston d'aller sur une brocante. D'accord. Bien joué la brocante, j'adore ça. Le bon plan brocante, il se situe où aujourd'hui? Vous allez vers où? Aujourd'hui je vais vers Saint-Martin, vers Ono exactement. D'accord, je sais pas où c'est, mais ça a l'air très bien. C'est près de Charleroi, non? Par là? Oui, c'est près de Tombref. Okay. Pas très loin de Tombref. Okay, d'accord. Très bien. Moi, je pensais que c'était l'île Saint-Martin, voilà. Ça aurait été plus sexy, mais bon. Mais c'est bien les petits brocantes. Vous allez faire la brocante ou vous allez juste visiter comme ça, Marie-Paul? Non, je vais juste visiter. Ah, tu veux les visiter. C'est juste visiter, faire un petit tour, en profiter. Moi, je cherche une armoire à chaussures, donc si vous trouvez quelque chose, vous m'appelez, Marie-Paul. Vous appelez Fun Radio. D'accord. N'hésitez pas, Marie-Paul. D'accord. Bah, le prix du jour, 349€, ça correspond à quoi, Marie-Paul? Eh bien, j'ai pensé tout de suite au lave-vaisselle. Vous pensez au lave-vaisselle? Eh bien, je vous dis. Fun Radio! Bravo! Ok, c'est gagné, bravo! Génial. Marie-Paul! Est-ce que votre fils aime les jeux vidéo? Oh oui, c'est un fanatique. On va lui offrir un superbe t-shirt World of Warcraft. Le jeu vient de sortir, le t-shirt ne se vend nulle part. Vous pouvez le gagner uniquement sur Fun Radio. Et il est à vous, vous allez voir, il va pouvoir faire le beau, le malin dans la cour de récré. Il a quel âge? Il a quel âge votre fiston? Il a 16 ans. Il s'appelle comment? Benjamin. Eh ben, on lui fait une dédicace à Benjamin. Ouais. Crois-moi, Benjamin, avec ce t-shirt là, tu vas pouvoir te la raconter grave. Et bonne brocante Marie-Paul. Eh bien, oui, merci. À bientôt. Ne bougez surtout pas, on prend vos coordonnées en antenne. Ne bougez surtout pas, Marie-Paul. La chose rassurante, c'est qu'au moins, on fait rire des gens, tu vois. Je sais pas si elle se fout de nous. Oui, peut-être. Ou si elle est contente d'avoir dit quelque chose. Toujours est-il qu'elle a rigolé, c'est plutôt bon signe. Effectivement. Si vous aussi, vous avez envie de faire partie de la famille C'est que du fun, le morning belge de votre week-end, samedi, dimanche, 7h, 10h, n'hésitez pas à rejoindre notre page Facebook C'est que du fun. On est là à répondre à vos messages, à transmettre vos dédicaces, et plus immédiatement si vous avez un GSM sous la main, envoyez-nous un petit message au 3044 pour 50 cents le message, on le lira, on y répondra, et en plus on est des gens bien, on sourit en tout cas, c'est déjà pas mal. C'est ça, déjà ça, Kaufman. Pour la suite de l'émission, le topito, le top 5 des excuses bidons entendues dans un tribunal, il y aura aussi le fun game dans quelques minutes, Kauf. Oui, on parlera de Call of Duty Infinite Warfare, on connaît d'ores et déjà la date de la démo, et le son Dance Floor avec Kid Noise sur Fun Radio. I fly the part of empty sky. something more. One day I'll stop it all, it's true, and I will do it just for you. And I will do it just for you. Behind me, behind me, behind me, behind me, behind me, behind me, behind me, behind me, behind me, behind me, behind me, behind The Chainsmokers débarque sur Fun Radio. Et là, c'est l'heure du topito du jour, le top 5 des excuses bidons entendues dans un tribunal. Cinquième position, l'excuse était « je roule sans permis ». Et mais à ton avis, pourquoi, Kaufman ? Je roule sans permis parce que... Parce que je ne l'ai pas, tout simplement. Non, je roule sans permis, mais c'est quasiment ça. Hein. Je roule sans permis parce que je me suis fâché avec ma petite amie et qu'elle a gardé tous mes papiers. Ouais. Ah ouais. Ouais, fausse excuse, bien sûr, bidon tout ça. Quatrième position, entre la prison et le chômage, je n'ai jamais eu le temps de travailler. Voilà ce qu'un mec a dit. Pas mal. Donc du coup, je suis pas obligé de voler pour vivre. Il a rajouté. Troisième excuse bidon, je ne filmais pas du tout cette fille aux toilettes, je cherchais du réseau pour mon téléphone portable. Ça, c'est un peu con-con, par contre. C'est un peu con-con, mais il y en a qui sortent ça au tribunal. Hein. D'accord. Vraies excuses, hein, ce que je vous sors. Deuxième position, je n'étais pas ivre, je suis un loup-garou, je vérifiais, c'était la pleine lune, donc voilà, je vérifiais un petit peu, et le mec était ivre sur la voie publique. Ouais, bah il a pas des saoulés pour dire ça. Première position, je n'ai pas été voir le juge d'application des peines, parce que quand je me rends au tribunal, je me sens pas très bien, hein, tu vois. Elle est pas mal, ça, cette excuse, on la garde si jamais on a besoin d'aller au tribunal. Alors, c'est jamais Kaufman, ça peut arriver à tout le monde, ça. Ah oui, oui, on peut se faire condamner pour tout et n'importe quoi, hein, aujourd'hui. Mais effectivement, Kaufman, à la suite de l'émission, il y aura encore des paris sportifs, t'es prêt à parier? Kaufman, j'avais pas prévu autant d'argent ce matin, mais c'est bon, je vais te faire des chèques. On va parler de la Formule 1, il y aura également des news télé, des news jeux vidéo avec Kaufman. Oui, on parlera du prochain Call of Duty, on a la date de la bêta et on vous communique tout ça parce que c'est que du fun, c'est des infos avant tout et de la bonne humeur. On est là le samedi, le dimanche, 7h, 10h, on est dans la place et voici de Chainsmokers, Don't Let Me Down sur Fun Radio. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. Fun Radio, Liam Summers. C'est ici que tout démarre. Fun Radio, le son dance floor. Memories on my mind, I think of you all the time. Thought I wanted to leave, but I just can't. Maybe we cross the line, I want you near for the night. Boy, come over here, say my name. Je vous propose Justin Timberlake pour continuer le son dance floor. Dans quelques minutes, le fun game. Là, on sort le portefeuille Kaufmann une nouvelle fois. C'est l'heure des paris sportifs. Ouais. On va évoquer la Formule 1 parce qu'aujourd'hui, c'est le Grand Prix d'Italie cet après-midi. Les favoris, Kaufmann, je vais te dire. Lewis Hamilton, coté à 1,25. Je rappelle que si on mise 1 euro, ça veut dire qu'on gagne 1,25 euro là pour et le tu coup. Tu deviendrais pas bookmaker, toi? Un petit peu, tu vois. Je me diversifie, comme on dit. Avec qui les bons tuyaux? Nico Rosberg est coté à 4,25. Ouais, c'est un peu le challenger. C'est le challenger. Effectivement, Sébastien Vettel, qui est un peu troisième challenger, est coté à 17. Ah oui, ça fait beaucoup d'argent. Effectivement. Et après, Felipe Massa, que tu connais peut-être, Felipe Massa, le Brésilien. Oui, oui, bien sûr. Il est coté à 500. La victoire de Massa peut rapporter 500 euros si tu mises 1 euro. Donc toi, tu es plus vers qui? Hamilton, Rosberg, Vettel, Massa ou un autre peut-être, hein? Eh ben, tu sais quoi, je vais te surprendre. Je vais choisir Massa Pourquoi? Parce qu'il était à Liège il y a pas très longtemps et que c'est un gars excessivement sympa. Donc juste pour parce qu'il est sympa, tu vas dire ça. Exactement, parce okay. qu'il veut pas se faire massacrer. Il est con celui-ci. Allez, et toi? Moi je dirais Nico Rosberg. Nico ah oui, Rosberg, ouais. T'as de l'argent à perdre. Un petit peu. Dites-nous, 30-44 parmi Hamilton, Rosberg, Vettel ou Massa, c'est qui pour vous le favori pour remporter le Grand Prix d'Italie cet après-midi? Pour la suite de l'émission, il y aura le Fun Game Kaufman. Oui, on parlera du prochain Call of Duty. On a enfin la date de la bêta. De la bêta, elle sort, c'est bon, elle sort bientôt. Joueur, et voici Justin Timberlake sur Fun Radio. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. À suivre sur Fun Radio. Et pour la suite de l'émission, il y aura le Fun Game avec Kaufman, mais vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook. On a une page Facebook, c'est que du fun. Venez liker la page, hein, c'est bien ça Kaufman, on like. Bien sûr, on like, on partage avec ses amis, on propage la bonne nouvelle. Fun Radio vous offre un morning belge le samedi, le dimanche, ouais. 7h, 10h. En direct. Partagez la bonne parole, c'est en direct. Ah bah oui, on peut vous le prouver. Il est exactement 8h48. Exactement, ouais. Et là, à l'instant, Sophie vient de nous envoyer un message au 3044 pour 50 cents par message où elle nous dit, les gars, vous êtes au top, ne changez rien, continuez comme ça. Merci Sophie. Et puis vous aussi, si vous avez envie de nous envoyer un message, ça peut se faire facilement. Vous envoyez donc au 3044 pour 50 cents votre message. Et vous nous dites bonjour, vous nous dites comment elle réveille, vous nous dites ce que vous déjeunez, petit déjeuner plutôt. Et puis nous, on passe tout ça sur antenne avec très grand plaisir. Et que faites-vous aujourd'hui? Ça m'intéresse de savoir ce que font les auditeurs aujourd'hui. Donc si vous êtes en voiture, si vous êtes encore dans votre lit, là, dites-nous ce que vous allez faire aujourd'hui. On a eu une auditrice qui allait à la brocante. Alors le dimanche, c'est quoi? C'est peut-être rendez-vous chez la belle-maman aussi, peut-être. Un truc un peu relou comme ça. Belle-maman, je ne connais pas. Ah, tu connais pas belle-maman, ce mot-là, toi? Non. Tu l'as viré de ton vocabulaire? Belle-mère. Ouais, belle-mère, belle-maman, c'est la même chose. Oh, belle-maman. Bah si, belle-maman, moi je parle bien, excuse-moi. Ouais, salut belle-maman. Salut belle-maman. Ça c'est quand bien. Tu dragues dans les cours d'école. Est-ce que ta belle-maman est sympa, quoi? Pour la suite de l'émission, ça se passe avec le Fun Game et Madcon pour le son Dance Floor. Maman, elle est toujours coincée dans les bouchons. Alors, je lui prête mon vélo. Ben quoi, elle ira plus vite. Partagez, c'est inné. À l'avenir, nos journalistes partagent avec vous plus que de l'info. Ils donnent du sens à l'actualité. L'avenir. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et recevez un chèque OctaPlus de 50€ sur l'avenir.net/rentrée. Ici la voix. Soyez les bienvenus dans Secret Story. Secret Story, la quotidienne, c'est du lundi au vendredi avec Julie Taton et Christophe Beaugrand à 18h50 sur Plug RTL. C'est tout pour le moment. Plug RTL. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. A Ferris wheel spinning on and on, stuck in the same routine, the same old song. Don't be too rational, don't let it get to you. You will find a new direction, who knows where it's gonna lead. Suddenly it hits you, you know where you are. It's a brand new start, a change of pace. Opportunity knocks, don't let it slip away. Better times to come, it's never too late. You will find a new direction, who knows where it's gonna lead. Suddenly it hits you, you know where you wanna be. We'll be right back. C'est que du fun, 7h-10h sur Fun Radio. In the depths of your despair, but it's all in the name of love. In the name of love. testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify. C'est le week-end, on en profite avec le son de Tiësto. Place au Fun Game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Oui, on va parler de Call of Duty Infinite Warfare, hein, Call of Duty qui reste quand même un must pour beaucoup de joueurs, jeu à la fois décrié et plébiscité par la communauté. Eh bien, sachez que la date de la bêta, j'ai du mal aujourd'hui avec ce mot-là, multijoueur est connue. En effet, le studio Infinity Ward, qui est à l'origine de Call of Duty cette année, dévoile pour la première fois le multijoueur de Call of. La première information donnée par les développeurs est de taille. La bêta multijoueur du titre commencera, notez-le bien, le 14 octobre. Le 14 octobre sur PlayStation 4 en exclusivité temporaire et bien évidemment à condition de précommander le jeu. Ah oui. Rendez-vous donc dans votre magasin Smart Toys, précommandez le jeu, vous aurez accès à la bêta qui commence donc sur PS4 le 14 octobre. D'autres infos à suivre pour la Xbox One très bientôt, et à noter que normalement la démo ne sera pas disponible sur PC. Ok, très bien. Et le jeu sort quand? Le jeu sort le 4 novembre. Le 4 novembre, donc 3 semaines après quoi. Là, quand on en profite 3 semaines avant. Ouais, on voit un petit peu de quoi le jeu est fait. On tâtera un peu du multi là-dedans. Battlefield vient d'avoir sa bêta. Il était normal que Call of Duty lui réponde. Et on peut le prendre sur Smart Toys. Ou sur smarttoys.be ou dans un des 19 magasins. Je veux dire. Faut arrêter l'alcool le matin quand même, Kaufman. C'est pas bon l'alcool c'est le matin. Toute la nuit l'alcool. Alors le matin, je dessoule, et le problème, c'est que me faire de la radio en dessoulant, c'est pas possible. Vous voyez bien que c'est pas possible, faut pas faire ça, les amis. C'est dangereux pour votre santé. Pour la suite, Destination Web avec Kaufman. Hein. Oui, on parlera de Facebook qui a ajouté une nouvelle fonctionnalité. On est là pour vous donner les bons plans jeux vidéo, mais également les bons plans du web. On est là tous les samedis et dimanches. Rejoignez la Fun Family. Bah oui, c'est que du fun entre 7h à 10h. Welcome. Voici Tiësto et Summer Night sur Fun Radio. I see you in my head. You ain't like the rest. You ain't bringing me down. Next to me, we're making history. The sun's about to go down, baby.

said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dad. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. Fun Radio. Fun Radio. Le son. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Matin 9h13, on est en direct, c'est que du fun avec le son de Môme. Et c'est que de la télé maintenant, je vais vous parler de BTV, tu connais BTV, ouais, Kaufman? Ouais, c'est une chaîne payante. Ouais, la chaîne cryptée belge, hein, qui a fait sa rentrée il y a 3 jours, et dans ses cartons, un certain James Bond au programme. Et ah oui, bon? Ouais, ils ont acheté un James Bond, et une flopée d'émissions venant tout droit de Canal+. D'accord. Ils ont donc aussi acheté Groland, je sais pas si tu connais, ah Kaufman. Ouais, avec Jules-Édouard Moustique. Ouais, exactement. Il y aura le Grand Journal, aussi. Ouais, ça c'est diffusé. Classique, hein, ça fait quelques années que ça dure. Bien sûr, le Petit Journal, qui ouais, continuera à diffuser. Pareil. Les Guignols. Pareil, ça fait déjà, voilà. Ça fait déjà une vingtaine d'années qu'ils y sont. Oui, bien sûr. Le patron a dit rien ne change concernant les émissions de Canal+. Les nouveautés sont vraiment du côté des films. Ils vont également diffuser le 7e opus de la saga Star Wars. Ah, pas mal. Ça, c'est bien. Avec aussi le James Bond. Il y aura un film également avec Vincent Cassel. Et BTV fête ses 10 ans cette année. Donc pour ça, ils ont acheté pas mal également de séries comme Modern Family 7. Il y aura également Transparent 2. Tu peux nous répéter ça? Transparent 2. Oui, c'était directement mieux là. Il y aura également 8 épisodes, une mini-série de 8 épisodes adaptée d'un roman de Stephen King. Donc voilà, il y a beaucoup de nouveautés sur BTV. Mais c'est une chaîne payante, hein, comme tu l'as dit, pas tout le monde l'a. Mais bon, voilà, ça vaut peut-être le coup cette année de s'abonner. Hein. Je pensais qu'ils avaient plus de 10 ans quand même. Non, ils ont 10 ans, ils fêtent ses 10 ans. Voilà. Donc voilà, mi-série, fêtent ses 10 ans. Ah oui, bi-série. Bi-série pour les séries. Ouais. Ah oui, parce que BTV c'est beaucoup BTV, plus ancien. BTV c'est plus vieux, mais bi-série fête ses 10 ans. D'accord, j'ai le temps que tout ça se remette en place et je tu remets ça en ordre et ça va aller, Kaufman. Le chiffre du jour dans quelques secondes. 160 tonnes. 160 tonnes. Ah oui, ça correspond à quelque chose, ça. Oui, 160 tonnes, ça correspond bel et bien à quelque chose. C'est le chiffre du jour dans C'est que du fun. On est là jusqu'à 10h. Faites passer le mot, rejoignez la Fun Family. On est là, hein, le Morning Belge bien qui sûr. Va faire du bruit. Croyez-moi, on a encore des jolies surprises à venir dans les semaines là qui vont arriver. 7h, 10h, passez le mot à tout le monde. Oui, on passe le mot à tout le monde. On continue le son Dance Floor avec Moom sur Fun Radio. Check it out. Fun Radio et Plug RTL présente Dimitri Vegas and Like Mike Bringing the Madness. Fun Radio. Les vendredis 16, samedi 17, jeudi 22 et vendredi 23 décembre au Sport Palace d'Anvers. Salut, c'est Dimitri Vegas et Like Mike sur Fun Radio. Éclatez-vous avec les DJ belges numéro 1 au monde. Dimitri Vegas et Like Mike à Anvers pour 4 dates exclusives. Tickets disponibles à partir du 6 septembre à 10h sur livenation.be. Les DJ Star Fun Radio, Dimitri Vegas and Like Mike au Sport Palace d'Anvers. C'est avec Fun Radio. The radio of Dimitri Vegas and Like Mike is Fun Radio. Le son Dance Floor. Maman, maman, tu sais, chez Disneyland Paris, ils font les jours du oui. Ah oui? Alors on se demandait si t'allais dire oui. Oui. T'es sûre? Oui, oui. Parce que parfois tu dis oui et puis... Oui, oui. T'es sérieuse là? Oui. Oui, youpi. C'est le moment de leur dire oui. Oui à Disneyland Paris. Réservez pendant les jours du oui avant le 29 septembre pour bénéficier de jusqu'à 30% de réduction sur votre séjour. Et en plus, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Réservez chez Jet Air Center, votre agent de voyage ou sur jetair.be. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Et c'est parti! Mais enfin, le tour vient à peine de commencer. Jaline? Ouais? C'est toi qui as débranché la prise de manège? Bah oui, pour recharger mon GSM. La batterie se décharge tout le temps. Pour un GSM plus performant, profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9€ avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. J'aime donner de bonnes choses, des fruits, des légumes à mes enfants. Eh bien, un truc que tous les enfants aiment, c'est nos bananes, un petit. Oh ouais, ils en raffolent, monsieur Marc. Faut dire qu'ils sont extra. Oui, et bourrés de vitamines. Et en ce moment, même leur prix donne la banane. Ah, c'est vrai. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos bananes Dole en vrac sont à seulement 1,49€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Ma copine Maya, parfois, elle a carrément pas 10 heures. Alors je lui passe mes raisins secs. Oui, mais pas tout, hein. Partagez, c'est inné. À l'avenir, le journaliste partage avec vous plus que de l'info. Il donne du sens à l'actualité. L'avenir. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et recevez un chèque Décathlon de 50€ sur l'avenir.net/rentrée. Fun Radio. Fun Radio. Le son de Dance Floor. Kisses are the only doubt. I'm listening up.

light turn green. Give me what I ask for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Arena Venus, flow of genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm tryna ride out. Take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. What you waiting for? Give me the green light. 'Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. 'Cause I'm ready to go. Je vous propose This Van Zandt pour la suite du son Dance Floor. Ah, ça réveille, hein, Kaufman. Ça te met au taquet, ça. Allez, les chiffres du jour, Kauf. Oui, 160 tonnes. Ça se passe il y a quelques jours, le mercredi 31 août, à Bougnoles. À Bougnoles. Un village près de Valence, un petit peu un village perdu. Ouais. Des habitants se sont livrés à une impitoyable bataille. Une bataille de tomates lors de la Tomatina. Chaque dernier mercredi du mois d'août, cette fête connue à l'international attire des milliers de touristes à travers le monde. Et puis, on va un peu expliquer, parce que l'origine de cette étrange coutume remonte à 1945, lorsque des jeunes se sont battus en se jetant à la figure, tout simplement, des légumes du marché. Cette vieille histoire est par la suite devenue une des festivités espagnoles les plus connues à l'étranger. Et tenez-vous bien, cette année, 22 000 personnes étaient attendues pour la célébration. Carrément. Elle devait se lancer environ 160 tonnes de tomates. Mais c'est énorme ça, 160 tonnes, je sais même pas ce que ça représente. Beaucoup de sauce bolognaise, enfin beaucoup de sauce tomate, précisément. T'as de quoi manger avec ça quand même, hein. 160 tonnes, oui, mais en tout cas j'ai vu les images, c'est assez folklorique et c'est une tradition espagnole qui dure, qui perdure et dont j'avais envie de vous parler parce que je trouvais ça assez happy, assez joyeux. Et les taureaux aussi en même temps, non? C'est pas en même temps ça, les taureaux? Non, pas tous les les taureaux, c'est à part. Ah, ok, je pensais que c'était en même temps. Okay. Non, ça s'appelle la tomatina, pas la taurotina. Ah oui, merci Kaufman. Ni la taurotomatina, c'est la tomatina. Je pensais que, tu vois, c'est pas grave, tu peux continuer à penser, je te laisse. Hein, ouais. Dans quelques minutes, le fun game, Kaufman. Ah oui, on finira par une info qui contentera eh bien, les amateurs de jeux vidéo. Voici Niels Van Zandt. Cheat code, ça suit sur Fun Radio. C'est pas facile à dire ça, cheat codes hein. Non, cheat codes. Cheat code, j'arrive du mal. Bah, le titre est plus facile. Hein. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, si vous avez, bien sûr. Si vous aimez les réseaux sociaux, vous avez envie de venir au courant de ce nouveau Morning Belge qui va faire parler de lui tous les samedis et dimanches entre 7h et 10h. Vous allez sur Facebook et puis vous tapez tout simplement C'est que du fun, vous rejoignez la page et si vous avez envie de nous laisser un petit message, faire une dédicace, je ne sais, hein, laisser place à votre créativité, à votre originalité, et bien vous faites ça sur Facebook, C'est que du fun. Autrement, plus rapidement, et on salue Monsieur Dominique, je l'appelle Monsieur parce qu'il travaille un dimanche, il nous envoyait un petit SMS bien sympa en disant que lui aussi était agent de sécurité, sans doute lui aussi par rapport à la personne qu'on a accueillie hier, ouais. Hein, numéro 1 sur les agents de sécurité à Fun Radio. Et donc vous pouvez faire comme lui, hein, vous envoyez un message au 3044 pour 50 cents et vous nous dites un petit peu comment votre dimanche se passe, qu'est-ce que vous avez prévu, comment est le lever, et puis je répète ma question, qu'est-ce que vous allez petit déjeuner, ça m'intéresse, ça me donnera peut-être des idées. Bien sûr, allez-y, hein, 3044 pour envoyer ces messages, la page Facebook C'est que du fun, on répond vraiment en temps réel, on lit vos messages en temps réel, on est en direct, hein. Il est 9h32, donc voilà, on est vraiment en direct, c'est pour vous dire que voilà, on ne ment pas, on ne triche pas. Non. Kaufman s'est bien levé à 7h, même avant. Hein. Plutôt vers 5h, mais oui. Et ça se voit, ça s'entend, mais voilà, c'est comme ça. Tant que tu dis pas que ça se sent, tout va bien. Allez, pour la suite, le fun game, Kaufman. Oui, on finira par parler de la saison 3 de The Walking Dead qui débarque bientôt, on a toutes les dates et on est là pour ça, hein, pour vous donner des infos à longueur d'émission. Hein, on a quoi? On a du web, on a du ciné, de la télé, du sport, voilà. On a tout chez nous. Je te laisse dire le titre, hein, et l'artiste. Hein. Voici Cheat Code et Sex sur Fun Radio. Sex. Like cinnamon. Fun Radio. Fun Radio. Tried hard to make you want me, but we're not supposed to be. And the truth will always haunt me, even though it set me free. And my tears flow like the ocean as they floated in the breeze. They were falling in slow motion and they brought me to my knees. Oh, you're haunting me, taunting me, all in my brain. Turn out the light and now all of the maze fills me with doubt and I'm shouting your name out loud. Why do you want to put me through the pain? I get the feeling I'll never escape. On continue avec Willy William. Place au fun game de Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux vidéo puisque la saison 3 de The Walking Dead s'annonce. La saison 3 donc de The Walking Dead arriverait dans le courant du mois de novembre sur PC, console et support mobile puisqu'on peut y jouer avec son GSM. Une saison qui sera rebaptisée A New Frontier, une nouvelle frontière. Ouais. On rappelle que les événements de ce nouvel arc scénaristique prendront place 4 ans après ceux de la seconde saison et que le joueur pourra toujours y contrôler les choix de Clémentine, la petite fille, mais aussi ceux d'un nouveau personnage dénommé Javier. Alors Walking Dead, c'est une série télé à succès mélangeant un petit peu la survie avec les zombies. Ok. Et dans le jeu vidéo, c'est un excellent point of click. C'est quoi ça, and click, pardon. Point and click, c'est-à-dire que tu pointes, tu cliques, tu fais des actions, c'est pas très compliqué à jouer. Ah, okay. Très bien, c'est surtout le scénario, la trame scénaristique qui t'emporte et les choix moraux que tu dois effectuer. Est-ce que tu vas laisser mourir un pote parce qu'il est attaqué par des zombies? Est-ce que tu vas lui ouvrir la porte au dernier moment? Ce sont des choix difficiles qu'il va falloir effectuer puisque la saison 3 approche et que normalement elle arriverait donc courant du mois de novembre sur PC, console et support mobile. C'est une série avant d'être un jeu, c'est un jeu avant d'être c'est une série avant d'être un jeu. OK, donc là c'est adapté de la bien série. Bien sûr, bien sûr. Et c'est la même histoire à peu près. C'est à peu près la même histoire. La trame scénaristique se suit sans pour autant être complètement identique. Très bien. Pour la suite de l'émission, ça se passe avec le jeu du Blackjack. J'ai des cartes entre les mains. Il faut arriver entre 18 et 21 et même 21 pile. Et là, c'est le jeu vidéo que Kaufman offre. Hein. Jackpot. Jackpot. On a plein de cadeaux à vous offrir. Entre 7h et 10h, on est ensemble le samedi et le dimanche. C'est que du fun sur Fun Radio. Et là, c'est Willy William avec Paris. J'ai troqué ma voiture pour un vélo. roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, Paris, Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Dimanche matin sur Fun Radio avec le son de Deoro. Dans quelques minutes, on va jouer au jeu du Blackjack et on a plein de cadeaux à vous faire gagner, cadeaux offerts par Smart Toys et Kaufman. Hein. Oui, goodies et jeux vidéo sont au programme, histoire de bien finir ce morning, c'est que du fun. Hein. Tous les samedis, dimanches, entre 7h et 10h, on vous régale. On apporte non seulement les informations, les croissants, les enfin non, ça peut-être pas, mais on apporte en tout cas les informations, ouais, les goodies, les jeux vidéo, de quoi vraiment vous faire passer, eh bien, un agréable dimanche. Vous vous réveillez lentement, sûrement, mais on est là, jusqu'à 10h. Bien sûr, on est là jusqu'à 10h, le jeu du Blackjack avec plein de cadeaux pour vous inscrire. Vous envoyez jeu au 30-44. On a plein de cadeaux à vous faire gagner. Et je prends un joueur juste après des euros sur Fun Radio. Donc allez-y pour vous inscrire. Vous envoyez jeu au 30-44. C'est 50 centimes par message. Et le son des 2 euros à suivre sur Fun Radio. Avec Fun Radio, partez vous éclater à deux toute une année à Walibi avec vos Golden Pass. Dès lundi, écoutez Fun Radio sans arrêt. Dès que vous entendez Major Lazer. Major Lazer on Fun Radio. Écoutez à la suite. C'est le double fun sur Fun Radio. Double fun. Soyez le premier à envoyer Walibi par SMS au 6322. Un euro message et gagnez vos Golden Pass pour profiter autant que vous le voulez de l'univers Walibi toute une année. Ah là, vous me faites trop plaisir, je vous adore trop. Les cadeaux les plus fun, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son dance floor. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oui, bonjour, je suis bien aux urgences? Oui, je vous écoute. Alors, j'aimerais qu'on m'emmène d'urgence dans un Proximus Center. Et j'ai vu un Huawei P9 Lite pour 9 euros. Vous êtes aux urgences ici, madame? Ben justement, c'est une urgence. Foncez dans votre Proximus Center et recevez un Huawei P9 Lite pour seulement 9 euros. Avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Infos et conditions dans votre Proximus Center. Proximus, infiniment proche.

Salut à tous, c'est Bob Sinclair, vous êtes sur Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. Jonas Blue débarque sur Fun Radio. Et là, on joue au jeu du Blackjack avec Caroline qui est avec nous. Salut Caroline. Salut. Salut Caroline. Ça va bien? Salut, ça va bien, oui. En pleine forme. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu habites où? À Liège. D'accord. Ça s'entend un petit peu, non? À Liège. À Liège. Tu es sorti dans le carré hier soir. Non, pas du tout. Non. Allez, fais-nous une baise. Arrête, tu carabistouilles. Laisse-la tranquille, enfin. On va boire du péquet ensemble. Allez, Caroline, tu viens jouer au jeu du Blackjack. Le principe est simple, je te dévoile des cartes une par une. Pour dévoiler une carte, t'as qu'à me dire encore. Et si la somme des cartes est comprise entre 18 et 21, tu gagnes des goodies collector, ok? Ok. Mais si tu as 21 piles, tu gagnes un jeu vidéo. Wow. Alors, je traduis en liégeux. Si c'est 21, c'est la baraka. Il est pas dessus. Il y a les premières cartes. C'est un 7. On continue? Un 10? Non, un 7. Alors, je vais réexpliquer. Faut expliquer les règles. Je vais réexpliquer les règles. C'est lui qui tire les cartes, tu vois. Parce que si toi, tu fais tes règles, alors on n'est pas sorti du carré. Imagine, c'est elle qui tire les cartes, 21, les gars. À mon avis, Caroline, elle a fait une fiesta hier. T'as même pas idée. Hein. C'est pas du péqué qu'elle a bu, c'est des litres de péqué. La première carte, c'était un 7, Caroline. On continue? Oui, on continue. Faut être entre 18 et 21, ok? Je dois tirer une carte entre 18 et 21. Non. Je comprends pas. On vous rappelle que l'abus d'alcool est très très dangereux pour la santé. Je vais récapituler. Caroline, lâche ta bière, putain. Je vais récapituler. C'est lui qui tire les cartes et au fur et à mesure, tu lui dis stop ou encore. Mais si tant que tu es en dessous de 18, tu dis encore, Caroline. Bon Dieu, oufti. Alors, 7, on continue. Deuxième carte. C'est un 2. 7 plus 2. Ça fait 9. Ça fait 9. On continue, Caroline. Hein. Oui, on continue. Je vais même plus demander. Ouais, Caroline est partie vers l'au-delà. Elle est finie. 9 plus... troisième carte, c'est un 4. 9 plus 4. Ça fait 13. Ça fait 13. Allez, encore une carte, Caroline. Plus 7. Caroline, si tu dis, si déjà tu donnes une carte 8 au moins pour que ça fasse 21. C'est moi qui donne les cartes, Caroline. Et notre carte alors, c'était un 6, on était à 13. 13 plus 6. Ça fait 19, Caroline, 19, c'est pas mal. 19, ça fait un ouais, c'est bien ça, quand fait même. Ça fait des goodies collector. Est-ce que tu t'arrêtes là? Non, laisse-la choisir une autre carte. Bon, je tire une autre carte, un 3 alors. Attends, attends. Là, on a 19, Caroline. Je t'explique les règles. Là, on a 19. Ah, il faut pour l'instant, ouais, tu gagnes des goodies collector. Il te faut un 2 pour obtenir le jeu vidéo. Mais, 21, tu, mais ouais, tu peux tomber sur un 4, un 5, un 6, un et 7. Là, c'est perdu. Est-ce que tu tentes? Je vais tenter. Hein. On tente, allez, allez. Ah, bah, tenter, elle est courageuse, elle est liégeoise. Elle joue peur de rien, ceux-là. Je dévoile la carte et la carte est un. On est à combien là? 19. On est à 19. Ah, c'est un 5. 19 ah, plus 5. 19 plus 5, Ariège, ça fait 20. Yeah, on s'est gagné. Non, ça fait 24. Ah, c'est perdu, Caroline, dommage. Oh merde. Je suis désolé, Caroline. C'est pas grave. Tu rejoueras une prochaine fois, hein, Caroline. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous, Caroline. Hein. Ah, tu lâches ton verre de péqué maintenant, tu vas dormir. Hein, mais l'alcool est quand même dangereux pour la santé, on l'a encore vu aujourd'hui. Mais non, allez, c'est pour recommander. Bon dimanche, Caroline. Profite bien merci de ton dimanche. Hein, bye profite bye de ton week-end. Si, bisous, bisous. Au revoir. Bisous, bisous. Au revoir. Nous, on se retrouve samedi prochain entre 7h et 10h samedi dimanche et 7h, 10h en semaine. Vous retrouvez Bruno entre 6h et 9h. Nous c'est le week-end, bonne oui semaine, hein, Kaufmann, bon dimanche hein, quand même. Hein. Ah bah oui, bon dimanche à toi, hein, il va faire pluvieux et on prévoit même de l'orage, donc ouais, je vais rester chez moi je pense. Ah bah parfait, voilà, nous on se retrouve samedi. Et c'est Anto dans quelques secondes qui prend ouais le relais pour du son Dance Floor jusqu'à 14h. C'est ça.